Enche ta tête comme un coq. Comme un coq. Comme un coq. Comme un coq. Hell, nous c'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est gros dos, gros bras, grosse tête, gros bec. Les gros gabarits sans les prods. Nous c'est l'argent qu'on veut, rien à foutre des groupies. Nous ce qu'on aime, c'est quand la grenade se découpille. Nous c'est le rap et l'espoir, voir faire les porcs. Je reconnais quand même qu'on aime les boutilles. Nous c'est la calache, guerre de clan. Non, y'a plus de place pour la paire des gants. Nous tu sais très bien comment ça se passe. Tu parles mal, bolo, tu perds tes dents. Nous c'est banlieue, Paris, Sud. 80 ou 100 corps, c'est ma sup. T'inquiète pas, on fout le feu, nous. On aura toujours assez de mazout. Nous les plus graves, on les allume sec. On porte pas plainte, on compte pas jusqu'à 17. On se pisse pas dessus, la peur on connaît pas. On vit sans vessie, donc jamais d'envie de sève. Nous l'été, les vacances et le bled. Toujours coupable, innocent, ce que l'on plaide. Nous c'est les berlines, allemandes, sportives, italiennes. Lambo, 6.3 et le cahier. C'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Le bonheur n'est pas dans le pré. Sache que chez nous, le bonheur est dans les blocs. Nous c'est Snap, back sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Le bonheur n'est pas dans le pré. Sache que chez nous, le bonheur est dans les blocs. Nous c'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est Snap, back sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est Snap, back sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est les grosses caisses, comme je te le disais. Moi c'est des flots différents mais bien aiguisés. Nous on aime le rap quand c'est bien fait, on zappe quand c'est mal fait, on frappe quand c'est rien, c'est obligé. J'ai une belle gueule mais ne te fie pas aux apparences. Nous ne fais pas de feat pour camoufler nos carences. Nous ne fume pas de shit, ça décevrait nos parents. J'ai écouté ton titre, j'ai ri tellement il est marrant. Nous c'est père des Jordan, permis de peur d'armes au cas où ça partira en sucette. Nous c'est bonhomme, assumé on sait le faire. C'est avec 10 flots qu'on déplace la poussette. Nous c'est ficelé, 501 cartonné. N'a fait tourner le constat, mon son va cartonner. Ils kick comme des gosses, leur flow faut le chaperonner. Je rappe mieux que vous, donc oui, veuillez me pardonner. Nous c'est DBZ, Vegeta, tu fais le show, ne pèse ta mère comme une chaîne par terre. Nous ce qu'on veut, c'est la villa pour la daronne. Donc on s'en va braquer Tony Parker. Nous c'est la génération 80 et 90. Pareil qu'on fait flipper, mais ouais tu balises. Les snapbacks en bagaille dans la valise. Bouge ta tête comme un coq et ça vient des bellies. Nous, les rats sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Le bonheur n'est pas dans le pré, sache que chez nous, le bonheur est dans les blocs. Nous c'est Snap, back sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Le bonheur n'est pas dans le pré, sache que chez nous, le bonheur est dans les blocs. Nous c'est New, les rats sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est Snap, back sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est New, les rats sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est Snap, back sur le crâne, tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est 140 kills minimum au développé. Tu veux un feat, 140 000 faut débloquer. Je ne ferai plus de cadeaux dans ce rap game, ça pue la merde comme dans le fillon de Kobe. Tu ne t'es pas trompé, c'est bien moi le best. Gardien de mes frères comme Victor Valdez. Fais du son pour les petits posés sur le banc de la tête. Grosse paire page fabriquée au Bangladesh. Nous c'est les mandats cash pour les frères au ballon. Tes morceaux nous ennuient, tous en cœur nous baillons. Tous en cœur nous baillons. Tous en cœur nous taillons, nous on bouge la tête comme des coqs. Mariage pour tous entre MC, ils se plotent. Nous on bouge la tête comme des coqs. Impressionnant sans force, c'est floqué sur le torse. Nous c'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur on bouge la tête comme des coqs. Le bonheur n'est pas dans le pré. Sache que chez nous le bonheur est dans les blocs. Nous c'est Snap, back sur le crâne. Tous en cœur on bouge la tête comme des coqs. Le bonheur n'est pas dans le pré. Sache que chez nous le bonheur est dans les blocs. Nous c'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est Snap, back sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est New, les rats sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous c'est Snap, back sur le crâne. Tous en cœur, on bouge la tête comme des coqs. Nous ce qu'on veut, c'est les thunes faciles. Tout ce qui nous fascine, tout ce qu'on fait on l'assume. Nous ce qu'on veut, c'est les thunes faciles. Tout ce qui nous fascine, tout ce qu'on fait on l'assume. Nous ce qu'on veut, c'est les thunes faciles. Tout ce qui nous fascine, tout ce qu'on fait on l'assume. Nous ce qu'on veut, c'est bouger la tête comme des coqs. Et ceux qui nous testent, on les fuck, fuck, fuck. Comme des coqs, coq, coq. Allez, bouge ta tête comme un coq, coq, coq. Allez, ouais, vas-y, bouge ta tête comme un coq, coq, coq. Allez, comme des coqs, coq, coq.